السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nous allons étudier inshallah ta'ala un des noms sublimes d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Shafi. Al-Shafi, qui signifie le guérisseur. Al-Shafi fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été affirmés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons également la mention de cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Fasmullah al-Shafi thabitun fi sunnati nabawiyya wa qad thabata fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari ainsi que le recueil de l'imam muslim, rahimahumallah, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en faveur des gens de sa famille en mettant sa main droite sur la personne. Il disait « Allahumma rabban nas »« Ô Allah, Seigneur des gens, adhib al-ba's »« Dissipe la douleur ou la nuisance »« Ishfihi anta shafi »« Guéris-le, c'est toi le guérisseur »« La shifa'a illa shifa'uk »« Il n'y a de guérison si ce n'est ta guérison »« Shifa'an la yuradiru saqama » Accorde-lui une guérison qui ne laissera aucune place à la maladie, aucune place à la douleur. Dans une autre version, Aïcha radiallahu anha nous dit, lorsque l'un parmi nous se plaignait ou souffrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main droite sur lui et prononçait cette invocation. Donc ceci est ce qu'on appelle Ar-Ruqya. Tu mets ta main sur ta personne ou sur la personne de ta famille à qui tu souhaites faire Ar-Ruqya, particulièrement à l'endroit de la douleur, et tu prononces cette invocation qui est courte et simple à apprendre. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Et la guérison est auprès de lui, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le malade qui apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Shafi doit développer un grand espoir en son Seigneur miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version, Aïcha radiallahu anha nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait un ruqya par cette formule. وثبت في صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت قال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أعيد الكلام فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس أو مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء أو لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son authentique que Abdul Aziz ibn Suhayb raconte « Thabit et moi-même entrâmes chez Anas ibn Malik. » Et Thabit lui dit « Oh Abu Hamza, je suis souffrant. » Alors Anas, radiallahu anhu, lui a dit « Veux-tu, ou bien ne vais-je pas te faire ruqya à la manière ou selon les formulations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Il répondit, certes. Alors Anas dit, Allahumma rabban nas, mudhibil ba's, ishfi anta shafi, la shafi illa ant, shifa'an la yuradiru saqama. Ô Allah, Seigneur des gens, toi qui écartes le mal, guéris-le, c'est toi le guérisseur. Il n'y a pas de guérisseur si ce n'est toi, d'une guérison qui ne laisse aucun mal. Accorde-lui une guérison qui ne laissera par la suite aucun mal, aucune douleur. ومعنى الشافي الذي منه الشفاء. Le sens du nom d'Allah Azza wa Jal الشافي est qu'Allah est celui qui guérit et de lui seul provient la guérison. شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب وشفاء الأبدان من الأسقام والآفات لا يقدر على ذلك غيره فلا شفاء إلا شفاؤه ولا شافي إلا هو كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين أي هو وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له ولهذا وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا شافي إلا أنت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le guérisseur et la guérison ne provient que de lui, que ce soit la guérison des poitrines face aux ambiguïtés, face aux doutes, face à la jalousie, face à la rancune et les maladies diverses du cœur, ou que ce soit les maladies du corps, les différentes souffrances et toutes choses difficiles. Nul n'a la capacité de procurer cette guérison et de l'octroyer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La guérison n'émane que de lui et le guérisseur n'est que lui subhanahu wa ta'ala. Tout comme l'a dit Ibrahim, le bien-aimé au plus haut point d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha marittu fahuwa yashfin, comme dans sourate Ash-Shu'ara. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est-à-dire, il est le seul qui puisse guérir, seul, sans associé. Pour cette raison, il incombe à l'ensemble des personnes responsables d'adopter cette croyance de manière ferme, ne laissant place à aucun doute qu'il n'y a pas de guérisseur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a clairement mentionné dans cette invocation lorsqu'il dit « La shafi illa ant » « Nul guérisseur si ce n'est toi »« Nul guérisseur si ce n'est toi » ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام والأمراض التوسل إليه بتفرده وحده بالربوبية وأن الشفاء بيده وحده وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه فالأمر أمره والخلق خلقه وكل شيء بتصريفه وتدبيره وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ainsi, parmi les meilleurs moyens de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison face aux maladies, face aux différentes souffrances, le fait de mentionner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, le fait qu'il soit le seul maître, le seul seigneur, et que la guérison tout entière est dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut la prodiguer si ce n'est lui, nul ne peut l'obtenir si ce n'est par sa permission, si ce n'est avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. Le commandement est le sien. La création est la sienne. Rien ne peut se produire, rien ne peut se passer si ce n'est par sa volonté. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et nul ne peut passer d'un état à un autre si ce n'est par la capacité accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَوْلُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا فِي دُعَاءِ الْمُتَقَدِّمِ اللهم رب الناس في التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'invocation précédente, ô Allah, Seigneur des gens, maître des gens. Dans cette parole, il y a le moyen de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie. Le fait qu'il soit l'unique seigneur de l'ensemble des gens. C'est leur créateur. C'est le gérant qui administre l'ensemble de leurs affaires. Dans sa main se trouve leur vie comme leur mort. Se trouve la santé comme la maladie, se trouve la richesse comme la pauvreté, se trouve la force comme la faiblesse. L'ordre tout entier est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de tout. Ainsi, lorsque tu demandes à Allah la guérison, tu as conscience de tout cela et tu l'invoques en ces termes. Allahumma rabban nas, ô Allah, le Seigneur de l'ensemble des gens. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adhib il ba's, écarte le mal, dissipe le mal, la maladie, la souffrance, ay azil is saqam wa shiddat wal marad, Cela signifie dissipe la douleur, la difficulté et la maladie. La difficulté et la maladie. ولفظه في حديث أنس اللهم رب الناس مذهب البأس وفي هذا توسل إليه سبحانه بأن وحده المذهب للبأس فلا ذهاب للبأس من العبد إلا بإذن ومشيئته سبحانه. Et dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah Seigneur des gens, toi qui dissipes la souffrance, ici il y a le moyen de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il soit l'unique en capacité, qu'il soit l'unique qui, na'am, capable de dissiper la souffrance et la maladie. Nul n'a la capacité de faire cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, aucun serviteur ne pourra se délivrer d'un mal, d'une souffrance, d'une maladie, si ce n'est par la permission d'Allah et sa volonté, exempt soit-il, de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. وقوله اشفه أنت الشافي في سؤال الله الشفاء وهو العافية والسلامة من المرض متوسلا إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده بالشفاء وأن الشفاء بيده. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, guéris-le, car c'est toi le guérisseur. Ici, il y a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Et la guérison, c'est lorsque tu demandes la guérison à Allah azza wa jalla, tu lui demandes d'être préservé. Tu lui demandes le salut face à toute maladie, face à toute souffrance. Et tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala par la mention de ce nom immense qui nous indique qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul détenteur de la guérison. Est le seul détenteur de la guérison. Et que la guérison tout entière n'est que dans sa main et ne peut avoir lieu que par lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit ensuite, « La shifa'a illa shifa'uk » « Nulle guérison, si ce n'est ta guérison, si ce n'est la tienne. »« Fihi ta'akidun li hadha l'i'tiqad wa tarsikhun li hadha l'iman » وإقرار بأن الشفاء لا يكون إلا من الله عز وجل وأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle guérison si ce n'est ta guérison. Ici, il y a le fait d'appuyer cette croyance. Le fait d'appuyer cette croyance, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans le fait d'octroyer la guérison. Et ça amène également l'enracinement de cette foi, de cette croyance. Le fait de reconnaître que la guérison n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La guérison n'appartient qu'à Allah. Elle n'émane que de lui. Et nul ne pourra la recevoir si ce n'est de la part d'Allah Azza wa Jal. Aucun remède, aucun traitement ne pourra être profitable sur le serviteur, sauf dans le cas où ce remède, sauf dans le cas où ce remède aura été corroboré, ou plutôt aura été, yani aura eu la permission, na'am fera, yani sera venu suite à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cet effet-là. En d'autres termes, le remède, le médicament n'est qu'une cause. Et si Allah azza wa jal ne décide pas de l'effet, le serviteur n'obtiendra pas la guérison. Donc, la guérison émane d'Allah. La guérison n'est que dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas contraire, ça ne sera pas profitable et ça n'apportera pas les fruits recherchés. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, shifa an la yughadiru saqama, une guérison qui ne laisse aucune maladie, ay la yubqi maradan wa la yukhallif illatan. Cette parole signifie que tu demandes à Allah Azza wa Jalla une guérison qui ne laisse aucune maladie, c'est-à-dire qui ne laisse subsister aucun mal ni aucune séquelle par la suite. ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أرقيك. Proche de ce sens-là, ce qui a été rapporté par l'imam muslim dans son authentique, selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, Jibril alayhi salam vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô Muhammad, es-tu souffrant ou te plains-tu d'un quelconque mal ?» Qala na'am, il a dit oui. Alors Jibril lui a fait ruqya en disant « Bismillahi arqik »« Au nom d'Allah, je te fais ruqya »« Min kulli shay'in yu'dhik »« Contre tout mal qui te nuit »« Min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin »« Et contre tout âme »« Contre toute mauvaise âme »« Ou œil de tout envieux » et aïn de tout envieux. Allahu yashfik. Allah te guérit. Allah te guérit. Dans le sens qu'Allah te guérisse. Et pour finir, Bismillahi arqik. Au nom d'Allah, je te fais arruqya. Hada wa a'tiqadu al-abd wa imanu bi anna shafi huwa Allah wahda. وأن الشفاء بيده ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيده. Une remarque importante, le fait d'avoir comme conviction ferme de la part du serviteur et comme foi ancrée que le guérisseur est Allah seul sans associé et que la guérison est uniquement dans sa main, ceci ne nous empêche pas de faire les causes permises et profitables à la recherche de la guérison, à la recherche du remède utile et profitable, de prendre des médicaments licite et profitable. En effet, nous est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents récits prophétiques, l'ordre de se soigner, l'ordre de faire les causes, de chercher le remède utile et profitable. Et donc, tout cela ne vient aucunement à l'encontre du fait de placer sa confiance en Allah et de compter pleinement sur lui. Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre le fait de faire les causes et chercher les remèdes, se soigner autres, et le fait de compter pleinement sur Allah Azza wa Jal, en ayant comme conviction ferme que c'est lui l'unique guérisseur et que la guérison tout entière ne se trouve qu'auprès de lui. فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِ عن جابر بن عبد الله. En effet, l'imam Muslim رحمه الله a rapporté dans son authentique, selon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, قال, il dit, لكل داء دواء, فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل أو برئ. Donc, Chaque maladie a son remède. Pour chaque maladie, il y a un remède. Dès lors que le remède touche la maladie, la personne se voit guérie par la permission d'Allah. Remarquez cela, par la permission d'Allah. On mentionne donc ici les causes, puis on montre que l'ordre tout entier est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad wa ghayrihi an Usama ibn Shariq رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم وفي لفظ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله. Donc, dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et autres, selon Usama ibn Shariq, j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque des Bédouins sont arrivés et lui ont dit au messager d'Allah, devons-nous nous soigner? Il a répondu oui. Soigne, ô serviteur d'Allah, soignez-vous. Certes, Allah Azza wa Jal n'a pas mis de maladie sans avoir mis avec son remède. Excepté une seule chose. Laquelle ont-ils dit? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, la vieillesse. Dans une autre variante, on trouve, certes, Allah n'a pas fait descendre de maladie sans sa guérison. Certains la connaissent et d'autres l'ignorent. تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل لأن حقيقة التوكل على الله اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره نعم لأن حقيقة التوكل على الله اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولابد مع الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة فكما أن دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب لا ينافي الإيمان بقوله والذي هو يطعم ويسقين فكذلك دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيمان بقوله وإذا مرضت فهو يشفين بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا والتي تعطيلها قدح في التوكل نفسه. Il s'avère que ces divers ahadiths établissent le lien entre les causes et les effets. Il souligne également qu'il est ordonné de se faire soigner et que ceci n'est pas incompatible avec la confiance en Allah. La réalité du tawakkul est afférente au cœur qui doit dépendre d'Allah pour l'obtention de tout ce qui est utile au serviteur dans sa religion, sa vie matérielle, et dans le rejet de tout ce qui est nuisible à ces deux niveaux. On est tenu néanmoins de mettre à contribution les moyens nécessaires. Par exemple, s'alimenter pour repousser la faim. Et la soif n'est pas contraire au verset dont la traduction des sens est « C'est lui qui me nourrit et étanche ma soif. » De même que combattre la maladie par le traitement convenable et le médicament approprié ne s'oppose pas à la foi en la parole qui est dans ce verset, c'est lui qui me guérit quand j'ai mal, quand je suis souffrant. Tout au contraire, la réalité du tawakkul ne se réalise qu'en recourant aux moyens qu'Allah a établis comme exigence de leurs effets, tels ou bien tant sur le plan du destin que celui de la religion. Tout refus de les employer est une atteinte même au tawakkul, ou bien est une atteinte au tawakkul lui-même. Ainsi, ici le shir, Hafidhahullahu Ta'ala, nous montre l'importance de l'utilisation des causes, mais d'être dans le juste milieu dans cela. Comment être dans le juste milieu? Le fait de les utiliser lorsqu'elles nous sont licites, mais de ne pas compter sur ces causes. Au contraire, d'avoir comme conviction et comme croyance que c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique guérisseur. Et que la guérison n'émane et ne provient que de lui. Naam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam li kulli da'in dawa taqwiyatun li nafsi al-marid wa at-tabib wa hathun ala طلب ذلك الدواء. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith précédent, chaque maladie a un remède. Dans cette parole, il y a un renforcement du patient malade et du médecin traitant. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Pour chaque maladie, sachez qu'il y a un remède. » Lorsque le malade entend cela, quel effet ça lui procurera? Un espoir en Allah azza wa jal de recevoir la guérison. Il coupera et il fermera la porte du désespoir, la porte de la lamentation. Certains, dès lors qu'ils entendent qu'ils sont malades, d'une maladie plus ou moins grave, ils perdent espoir. Et ils perdent goût à la vie. Et ils se montrent faibles. Et ainsi, le shaitan se voit satisfait parce qu'il les attriste. Et de par cette tristesse-là, il les rend incapables. Ils n'agissent plus. Ils ne travaillent plus pour leur bas-monde ni pour leur au-delà. Non, le musulman doit être toujours optimiste. Il doit être optimiste dans sa manière de se comporter. De parler. Dans ce qu'il propage, dans ce qu'il dit, dans ses conseils prodigués aux autres, il doit toujours être dans le positif. Le prophète alayhi salatu wassalam disait « Yu'jibuni al-fa'al » « L'optimisme me plaît » et il combattait l'augure. Ainsi, il nous dit « Chaque maladie a un remède. » Lorsque le malade entendra cela, ça va renforcer sa personne. Mais également, ça renforcera le médecin traitant. Pourquoi? Parce qu'il sera déterminé à chercher un moyen de guérir ce malade avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il y a ici un encouragement à chercher le remède et à faire les causes pour se soigner. Le prophète alayhi salatu wassalam ici nous incite à chercher le remède et incite le malade à se guérir, à chercher le moyen de se guérir. وقد كان نعم وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه وقد كان من هدي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهلي وأصحابي وينظر هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك مبسوطا في فصل عنوان في فصل بعنوان الطب الطب النبوي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن القيم. Et pour celui qui veut regarder de manière plus détaillée la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de se soigner lui-même et ce qu'il ordonnait à sa famille, ses proches et ses compagnons en cas de maladie, revenez au livre ou au chapitre de la médecine prophétique et dans le livre du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala Zadu al-Ma'ad. Je disais donc faisait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de rechercher les traitements et de se soigner lui-même, et il ordonnait cela à ceux parmi les membres de sa famille ou de ses compagnons qui étaient touchés par la maladie, il leur recommandait cela. Et celui qui veut voir cela de manière détaillée, prenez le chapitre « At-tibb an-nabawi » la médecine prophétique, dans le livre « Zadul Ma'ad » du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. « Thumma inna al-wajib al-abd an ya'rifa fima yata'allaku bil-asbabi umuran thalatha » Ceci étant dit, il incombe au serviteur de connaître dans le domaine des causes trois principes. Trois principes. Le premier, Alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun shar'an aw qadara. Il ne doit adopter comme cause que ce qui a été avéré de manière légiférée, c'est-à-dire dans le Coran ou la Sunna, ou de manière prouvée, Ça, c'est la première condition. Pour adopter une cause, dire que telle chose en est une, il faut une preuve, soit du Coran de la Sunna, soit du Coran et de la Sunna, comme certaines invocations par exemple, ou que ce soit prouvé, comme le fait de prendre du paracétamol dissipe la douleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها. La deuxième chose, le deuxième principe, il ne doit pas compter sur les causes. Et placer sa confiance dans celles-ci. Au contraire, il doit placer sa confiance et il doit compter uniquement sur celui qui en est la cause. Sur celui qui a décrété que telle chose est une cause. Donc il doit compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le même temps, le serviteur devra recourir aux moyens licites et veiller à utiliser les causes qui sont profitables. Le troisième principe, « An ya'lama anna al-asbaba minha » مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه والله تعالى تصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد العبد عليها وليعلم كمال قدرته وَأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُتْلَقَ وَالْإِرَادَةَ الْمُتْلَقَ لِلَّهِ وَحْدَهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. Troisièmement, le troisième principe, il nous faut savoir que les causes, aussi grandes et fortes soient-elles, sont liées et rattachées au décret d'Allah, sont rattachées à la prédestination et sa toute-puissance. Et ça, ou plutôt, disons, sont rattachés au décret d'Allah et sa prédestination. Rien ne pourra sortir de cela. C'est-à-dire, rien ne se produira si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a déjà décrété. Afwan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dirige les choses comme il le veut. Si il le désire, il maintient le principe de causalité. Et s'il le souhaite, il le change comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y a une grande sagesse. Qui est afin que les serviteurs ne s'en remettent pas aux causes. Et afin qu'ils aient connaissance de la perfection de l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal, sa pleine capacité à faire ce qu'il veut, et que à lui appartient la gérance absolue, la volonté suprême. Il fait ce qu'il veut et nul ne peut s'opposer à son commandement. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné « Anta shafi la shifa'a illa shifa'uk ». C'est toi le guérisseur, il n'y a pas de guérison si ce n'est ta guérison. « Wa as'alullah al-azim, rabban nas, mudhib al-ba's, al-shafi alladhi la shifa'a illa shifa'uh, an yashfi mardana wa marda al-muslimin ». Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, l'immense, le Seigneur des gens, celui qui dissipe les maladies et les douleurs. C'est lui le guérisseur, celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre guérisseur et dont la guérison n'est détenue par nul autre que lui. Nous lui demandons, Allah subhanahu wa ta'ala, de guérir l'ensemble de nos malades et l'ensemble de vos malades, l'ensemble des malades parmi les musulmans et parmi les musulmanes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger la douleur de tout croyant, de toute croyante souffrant en ce mois de Ramadan. Nous demandons à Allah azza wa jalla de panser les plaies de l'ensemble de nos blessés, de vos blessés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de soigner l'ensemble des maladies du cœur et des maladies du corps, de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne connaissons pas. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. واقض الديون عن المدينين. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت الشكور الرحيم الكريم الجواد البر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم أمهاتنا وارحم آباءنا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وأنت المسلمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين